Alors, bien-aimés, on avance dans ce grand discours du pain de vie que Jésus nous donne depuis déjà plusieurs jours. Et aujourd'hui, eh bien, vous voyez, Jésus encore avance et il va de plus en plus loin dans ce qu'il annonce. Alors, vous vous souvenez, il nous disait que voilà, il était lui, hein, celui qui allait nous donner la vie éternelle. Et il nous disait qu'il était Dieu. Il nous l'a dit bien clairement hier, qu'il était vraiment égal au Père, qu'il était le Fils du Père. Et que donc, étant le Fils du Père, il a la même dignité que le Père. Et là, il insiste en disant, voilà, tous ceux qui viennent à moi ne peuvent pas venir à moi si ce n'est le Père qui les attire. Et vous voyez, c'est tout l'ange, l'articulation entre le Père et le Fils qui est là. C'est-à-dire que tout homme est attiré par le Père, mais pour aller vers le Père, il faut passer par le Fils. Et on ne va vers le Fils que si on est attiré par le Père. C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre, que lui et le Père ne font qu'un, et qu'on ne peut pas aller vers le Père sans passer par lui. Et qu'on ne peut pas passer par lui sans automatiquement aller vers le Père. Et voyez, c'est ça qu'il veut nous dire en nous disant, voilà, que lui va nous donner la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle. Parce qu'en réalité, c'est quoi, aller vers le Père? Aller vers le Père, c'est comme accueillir la divinité en nous. C'est comme entrer dans le divin et accueillir le divin en nous. C'est pas comme, c'est ça. C'est réellement ça. Et c'est ça qui donne la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle, voyez? Cette image que Dieu avait mise en nous, en l'homme, depuis la création du monde, c'est ça qui lui donnait la vie éternelle. Cette image lui permettait de manger ce pain de vie éternellement, manger de l'arbre de la vie, et qui lui permettait d'être en vie éternelle permanente. C'est ça, avoir la vie éternelle, c'est recevoir cette divinité de Dieu en nous, participer à la divinité de Dieu. Et nous devons comprendre que, eh bien, pour participer à cette divinité de Dieu, il faut s'attacher au Christ d'une manière totale. C'est ça l'idée de la foi. La foi, c'est pas un petit bout, allez, je crois un petit peu, il va m'aider sur des petites choses matérielles. Je crois de tout mon être, je me plonge tout entier dans le divin et le divin plonge tout entier en moi. Je suis totalement dans les bras de Dieu et Dieu m'habite. Vous voyez, c'est comme quand on trempe un verre d'eau dans l'eau. Un verre vide, voyez, vous le trempez jusqu'à un moment où vous l'avez totalement trempé et hop, l'eau en rentre dedans, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que Dieu veut, que nous soyons totalement immergés en lui pour qu'il rentre en nous et que nous soyons pleinement dans la vie éternelle. Et donc Jésus va dire cette phrase, alors là, qui va commencer à chatouiller tout le monde. Il va dire, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Alors jusqu'ici, on entendait Jésus parler du pain du ciel. Et puis, tout le monde pense vraiment à ce pain, à un pain qui serait un pain spirituel. Hein, le mot pain étant un symbole de la divinité spirituelle, de l'esprit, de la parole. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Hein, c'est vraiment ça aussi, ce pain. Mais Jésus va plus loin, il dit, voilà, celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et il va plus loin et dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Et là, on verra ça demain, puisque demain vous serez tous là pour la messe, bien sûr. Vous entendrez Jésus parler de cette chair. Et on verra, vous voyez, là, quand Jésus commence à dire ça, il le dit vraiment avec le mot la chair physique. Et ça commence à travailler l'intelligence de ceux qui l'écoutent, qui se demandent de quoi il nous parle. Eh bien, nous le savons de quoi il nous parle. Il nous parle effectivement de son corps qui va être livré sur une croix, et surtout qui va nous donner ce corps dans les saintes espèces du pain et du vin. De manière à ce que cette vie éternelle qui vient de Dieu entre pleinement en nous, et que par notre communion à ce corps charnel de Jésus, nous soyons totalement immergés et totalement habités par la présence divine. Et que pas un atome de notre corps et de notre âme ne soit perdu en dehors de la vie éternelle. Voilà ce que Jésus nous dit ce matin. Alors, en nous approchant de l'Eucharistie que nous allons célébrer maintenant, pensons à ça. Voici le pain, le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus qui descend sur l'autel, qui s'offre à nous totalement en sacrifice d'amour pour venir nous habiter dans notre corps, dans notre âme et nous donner en participation sa divinité pour la vie éternelle. Je crois que c'est assez pour ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.